13h, passé de quelques 30 minutes, voilà, passé de quelques secondes, voici donc, eh bien, bonjour déjà à vous tous et à vous toutes, voici l'émission Souvenir tous les vendredis après-midi. Voilà, aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement très bonne matinée, ainsi que vous allez continuer de la finir tout simplement toute l'après-midi. Voici donc l'après-midi, ce sont bien sûr les chansons souvenirs qu'on a pu entendre tout simplement et puis qu'on n'entend pas beaucoup tout simplement. Et là, on va les récupérer tout simplement, les réécouter. Et puis aussi, une fois par heure, vers 14h, 15h et puis 16h, on écoutera tout simplement une chanson de Georgette Plana. Eh bien, sans plus tarder, je vous laisse tout simplement avec Arletty. Arletty qui nous chante tout simplement « Si vous étiez un copain ». Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Bon tailleur et de si jolies cravates, mais depuis que j'ai lu du Carrefour, mon homme et Jésus la caille, je rêve de terreur de costaud, en y pensant je défaille. Vous êtes sans gandin, mais par trop mondain, si vous étiez sans coquin, vous auriez une belle casquette, vous ne seriez pas Rupin, je ne serais pas coquette, vous seriez le grand rouquin du faubourg Saint-Martin, et c'est moi qu'aurais le béguin, si vous étiez un coquin. Au lieu de me faire la cour d'une voix douce et qui tremble, vous diriez ma belle gosse d'amour, tous les deux on est ensemble. Au lieu de m'offrir des bijoux, des bouquets et des caresses, vous me prendriez tous mes sous, et moi je ferais le business. Vous me fatiguez d'être distingué, si vous étiez un coquin, un vrai de vrai qui dégote, pendant que je serais au turbin, vous vous feriez une belote. Quand je serais sans un rotin, à la place d'un baise-main, vous me flanqueriez des pains, si vous étiez un coquin. Vous dites de la fidélité, c'est le bonheur d'un ménage, vous parlez d'exclusivité et de l'amour sans partage, vous êtes jalouse et cruelle. Vous avez un cœur de roche et vous provoquez en duel tous les hommes qui m'approchent. Je trouve ça rigolo, légèrement ballot. Si vous étiez un coquin, vous diriez quand j'ai une touche, je suis pas cocu, c'est certain, du moment que c'est moi qui touche. Et puis je trouve ça très bien qu'on paye ce que j'ai pour rien. Est-ce que vous seriez malin si vous étiez un coquin? Voici donc qu'elle s'appelle Berthe Silva. On n'a pas tous les jours 20 ans. Couture est en fête, on oublie l'ouvrage un instant, car c'est aujourd'hui que Marinette vient juste d'avoir ses 20 ans. Trottin, petite mains et première ont toutes apporté des gâteaux, et Marinette offrant le porto, dit joyeuse en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. ce jour-là passer là trop vite. C'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron nous ferait gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Patron donne congé à ses petites, et comme le printemps leur sourit, à la campagne elles vont tout de suite chercher un beau petit coin fleuri. Dans une auberge en pleine verdure, elles déjeunent sur le bord de l'eau, puis elles se haussent d'un tonneau en chantant pour marquer la mesure. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. C'est le jour le plus beau de la vie, alors on peut faire des folies. L'occasion, il faut la saisir, payons-nous un petit peu de plaisir. Nous n'en ferons pas toujours autant, on n'a pas tous les jours 20 ans. Tous les amoureux de ces demoiselles sont venus le soir à leur tour, et l'on entend sous les tonnelles chanter quelques duos d'amour. Passant par là, prêtant l'oreille, un bon vieux s'arrête en chemin, à sa femme en prenant sa main, lui dit « Souviens-toi ma bonne vieille ». On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse. De ce beau temps si vite passé, on n'en profite jamais assez. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans. Voici donc Georges Brassens avec Pour nous rendre à mon bureau. Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une voiture à moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre. 8 mois plus tard, en revenant, réquisition de ma 11 chevaux légère, Frankfurt-Botten provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon teuf-teuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Elle ne consommait presque pas l'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés. Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir un vélo à moi. J'allais coup sur coup une douzaine, on me les volait périodiquement. Comme chacun devalait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro. Ça ne coûte pas très cher et il y fait chaud l'hiver. Almayenne et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied. Aller-retour, les Tuileries, le Pont Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si joli décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne se mêle plus. Mes âmes prudentes et perspicaces, pour l'avenir j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. J'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle à l'endroit. Arc-en-ciel. Voici donc qui s'appelle Marc Robin, le pieux. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr que... René Lamy avec Y'a l'accordéon. Ange de mai, que nous devions nous connaître, les lilas fleurissent embaumés. Sur le gazon d'un vert tendre, nous dansions à la l'autre rivée. Et l'orchestre faisait entendre des airs bien faits et pour rêver. Y avait de l'accordéon et dans ses bras ça tournait rond. Y avait une valse avec des mots chantants, ivresse, caresse. Y avait nos aveux, nos rires, nos vêtements, nos lèvres, nos fièvres. Y avait de l'accordéon et dans ses bras le printemps est donc traître et le cœur court un grand danger. Au milieu d'un bal champêtre, quand le vent est doux et léger, le soir sous une tonnelle, tous les deux tendrement enlacés, nous écoutions les ritournelles, l'amour venait nous bercer. Y avait de l'accordéon et dans ses bras ça tournait rond. Y avait une valse avec des mots chantants, ivresse, caresse. Y avait nos âmes, nos rires, nos vêtements, nos lèvres, nos fièvres. Y avait de l'accordéon et dans ses bras Michel Simon, elle est épatante. Je me souviens encore de son fin profil, lorsqu'un soir au bal nous fîmes connaissance. Elle était charmante et mince comme un fil, de grands yeux rêveurs et plein d'innocence. Tout dans sa personne était délicat. Elle voulut bien m'accorder une danse, et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence. Elle est épatante, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoique un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, y en a pas deux comme ça. On s'est retrouvés au hasard des jours chez d'autres amis qui nous invitèrent, et je lui faisais discrètement la cour. On sympathisait comme caractère, et puis l'existence nous a séparés. Mais j'ai conservé le souvenir idyllique de son corps menu, joliment cambré, et de sa voix douce au timbre angélique. Elle est épatante, cette petite femme-là, me dis-je en songeant qu'elle m'en sort cela. Qu'est-elle devenue? Je n'en sais rien, mais moi je m'en souviens. Malgré le temps passé, je le vois devant mes yeux, son air enfantin, ses gestes gracieux. Et mon cœur bien vite la reconnaîtra, y'en a pas deux comme ça. Thank you. tant, cette petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'apport, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, y en a pas deux comme ça. Arc-en-ciel. Voici donc Jacques Brel avec Bruxelles. Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en quibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il est des militaires, elle est des fonctionnaires. Ils pensaient pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus. Avec des femmes, des messieurs en quibus. Sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il avait su y faire, elle avait laissé faire. Il l'avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma. C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine, chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus. Avec des femmes, des messieurs en quibus. Sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Tendait la guerre, et là, tendait mon père. Ils étaient gus comme le canal, et on voudrait, j'ai le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. Elle s'appelle Lina Margie avec le retour des cigognes. C'est la chanson que l'on entend quand le printemps sourit dans le pays d'Alsace aux mille villages fleuris. Chanson joyeuse qui renaît au cœur des amoureux quand les cigognes familières tournoient dans les cieux. Les cigognes sont de retour sur les clochers des alentours, égayant de leurs ailes blanches les toits qui penchent les vieux fours. Les cigognes sont de retour avec le soleil des beaux jours. Amis, chantons la ritournelle, la vie est belle, chantons l'amour. Combien de filles et garçons un soir se sont promis de s'épouser quand les cigognes referaient leur nid. Et quel beau jour quand apparaît au seuil d'un matin clair le vol joyeux de leur bonheur entre les sapins verts. Les cigognes sont de retour

sur Arc-en-Ciel. Voici donc, je vous laisse avec Fréal, tel qu'il est. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chipé pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollo, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules par du carton sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Voici donc Georges Guitari avec tout simplement le temps des fleurs. Dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre et nous écoutions nos terres chanter. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et puis sont venus des jours de brume, avec des bruits étranges et des pleurs. J'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne dans mon cœur. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes. Je m'imaginais chassant la brume. rime. Je croyais pouvoir remonter le temps. Et je m'inventais des clairs de lune. Des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La la la la. Avec un goût de miel, ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix, on était jeunes et l'on croyait au ciel. Il s'appelle Philippe Clay et le titre Les Clochards. Près de la rue Bolivar, sous le métro aérien, il y a deux clochards couchés sur le trottoir qui dorment en se tenant par la main. Ils se sont mariés ce matin à la mairie de la cloche de bois. Une grille du métropolitain leur sert de matelas. Lune de miel près des poubelles. Dans la rigole, il y a des gondoles. C'est la croisière, des morceaux de verre. Ils ont vu dans un café, le nez collé au carreau, la farandole des croissants dorés qui tournent au son d'un phono. Dans leurs yeux s'allume le reflet du comptoir où brillent les sous. Ils battent la mesure en crevant le pavé et contre leurs clous. C'est le bal de la fringale. L'heure est exquise dans son marquise, le rigodon des vieux crotons. Apercevant une auto arrêtée près du trottoir, monsieur décide, je pars pour Monaco, prenez place dans ma Jaguar. Hélas, répond-elle, j'ai perdu mes perles et mon face à main. Et qu'on lui parle l'armée du salut, ils vont à Pantin. La bonté, la charité, ils s'en balancent, et vive la France, c'est le patelin du bon requin. Si tu me donnes ton savon, un dilolote à pépé, moi je te refilerai en compensation des clopes avec des bouts dorés. Dans la nuit le long du canal, un chien est venu les retrouver. Et tous les trois à la belle étoile, ils se sont lavés. la pleine lune comme une thune reflète son visage rond. C'est l'argent de poche de ceux de la cloche. Arc-en-ciel. Je voudrais, je ne pourrais pas m'habituer aux chevaux et aux fleurs du lilas. Le train qui passe à l'horizon est très ancien. Sa mécanique très moderne n'y fait rien. Il est graissé et sans défaut comme un poème. Mais ce sont les chants du gaélique que j'aime. Mais ce sont les chants du gaélique que j'aime. Je voudrais, je ne pourrais pas m'absenter des chevaux et des fleurs du lilas. L'aéroplane est vieux, l'automobile est vieille. Seul le vrombissement mélodieux d'une abeille est jeune. Et jeune aussi, ce vieillard attardé est dans sa marche. Par la marche d'un scarabée. Dans sa marche, par la marche d'un savoir mourir comme en s'aligne côte à côte pour un concours de pêche à la ligne. J'ai peur de n'être pas à la hauteur de mes voisins qui conduisent des automobiles et prennent le train et meurent dans leur lit sans souci des campagnes où l'amour tue comme un éclat. Tout simplement, c'est tout simplement Michel Bernard, je voudrais, je voudrais pas. Et puis donc, voici Claude Royan avec le titre « Où va plus loin ?» Puisqu'aujourd'hui tu ne m'aimes plus et que c'est la fin, tu m'as déçu, va plus. s'appelle Fred Coin. Bonsoir, Madame la Lune. Hier, au sortant du cabaret, un soir que pour noyer sa peine, il avait vu du vin clairé, revenait par la nuit sereine. Le firmament resplendissait, les étoiles étaient en fête, et Pierre, qui seul se disait, me dit soudain en levant la tête. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. C'est votre ami Pierrot qui vient vous voir. Bonsoir, Madame la Lune. Que je dis la bon sang, j'ai chassé tantôt la perfide, et j'ai peur, oui peur à présent, du logis froid désormais vide. Je vais là comme un indigent, m'endormir au vent qui frissonne, bercé par vos rayons d'argent, et rêver que je lui pardonne. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Pierre est en songe, va venir me voir. Bonsoir, Madame la Lune. Vous voici donc, il s'appelle tout simplement Guy Berry. Musique, musique. C'est la chanson magnifique, c'est le refrain merveilleux qui remplit l'air d'un air joyeux. Musique, musique, musique. Pris d'une joie frénétique, l'orchestre à tous les échos joue l'hymne des espoirs nouveaux. Musique, musique, musique. Le vent qui cueille des chansons au soir des rendez-vous ira vous dire à sa façon que je suis fou de vous, vous, vous, vous. C'est la chanson magnifique, c'est le refrain merveilleux qui chante au cœur des amoureux. Musique, musique, musique. Chaque fleur abrite une abeille, les feuilles bruissent dans le vent. Ma plume grince en écrivant des mots sans foi redit. Le blé qui naît, la fleur qui s'éveille, la rue, le bois, le ruisseau clair. Tout ce qui vit dans l'univers chante sa mélodie. C'est la chanson magnifique, c'est le refrain merveilleux qui remplit l'air d'un air joyeux. Musique, musique, musique. Pris d'une joie frénétique, l'orchestre à tous les échos joue l'hymne des espoirs nouveaux. Musique, musique, musique. Le vent qui cueille des chansons au soir des rendez-vous ira vous dire à sa façon que je suis fou de vous, vous, vous, vous. C'est la chanson magnifique, c'est ce refrain merveilleux qui chante au cœur des amoureux. Musique, musique, musique. Musique. magnifique, c'est ce refrain merveilleux qui chante au cœur des amoureux. Musique, musique, musique, oh musique. Voici donc Francisca Solville avec Frontières. C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, faire un foin, hurler à la chasse aux sorcières, qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires. Chacun chez soi, c'est plus serein, faut se méfier du chien qui erre. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Paraît d'ailleurs que les bohémiens, c'est dans leur gêne le goût de l'air, que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters. Que ce ramassis, c'est vaurien, voleur de poules, de pommes de terre. Pour les plumés, eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Est-ce pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières? C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Voici donc Jacqueline Roland et son titre « Mon petit Suisse ». J'ai voyagé sur la terre de France. J'aime Paris, sa beauté, sa grandeur. J'aime Marseille et son exubérance. La Normandie, son charme, sa douceur. Mais c'est en Suisse, dans la belle Helvétie, dans un chalet sur l'Alpe tout là-haut, que j'ai trouvé le bonheur de ma vie. Mon Armaillis, pour moi, c'est le plus beau. Oui, oui, oui. Mon petit Suisse au bras noueux, c'est lui que j'aime, c'est lui que j'aime. Mon petit Suisse au bras noueux, a du ciel bleu dans les yeux. Dans son costume d'Armaillis, mon Dieu qu'il est joli, il fait tourner les têtes. Avec ses beaux cheveux blonds, du soleil sur le front, il me donne des frissons. Mon petit Suisse au bras noueux, a du ciel bleu dans les yeux. J'ai rencontré bien des gens dans ma vie, des Norvégiens, j'admire la douceur. Les Espagnols sont pleins de frénésie, les Italiens très souvent enjôleurs. L'Américain qui cherche encore son âme, et beau garçon, bagarreur, pas méchant. Le Parisien est le chéri des femmes, mais lui malin les chérit tout autant. Oui, oui, oui. petit, au bras noueux. C'est lui que j'aime, c'est lui que j'aime. Mon petit fils, au bras noueux, a du ciel bleu dans les yeux. Dans son costume d'armaillé, mon Dieu qu'il est joli, il fait tourner les têtes. Avec ses beaux cheveux blonds, du soleil sur le front, il me donne des frissons. Mon petit fils, au bras noueux, a du ciel bleu dans les yeux. C'est lui que j'aime, c'est lui que j'aime. C'est lui que j'aime le mieux. Au bras noueux, a du ciel bleu dans les yeux. Youhou! Arc-en-ciel. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel. Voici, voici tout simplement le titre Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, et c'est Réventura. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On attend pour faire la fête. Il y a des noisettes dans ce matin. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Les parapluies restent chez eux, les parapluies, les cannes s'en vont, les cannes à usettes, levez la tête, les amoureux, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Après ça, on va écouter un sketch tout simplement avec Fanon Reynaud, le 22 Anières. Et puis, juste après, quelques morceaux d'accordéon. Voilà donc, bien, j'espère que vous passez un bon moment à l'écoute d'Arc-en-Ciel. Mademoiselle, s'il vous plaît, je voudrais le 22 à Anières. Mademoiselle, hep, s'il vous plaît, mademoiselle, vous voyez pas que je suis en train de faire mes totos, non? Pardon, excusez-moi. C'est à votre guichet qu'il faut s'adresser pour téléphoner dans le bureau de poste. Mais pourquoi vous me répondez, mademoiselle? Oh, vous n'êtes pas tout seul ici, non? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. Je sais bien, j'ai écrit téléphone au-dessus de mon guichet. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais le 22 à Agnès. Allô? Bonjour Georgette. Je te reconnais à la voix. Comment vas-tu? Si c'est Madeleine. Ça va? Non, mon Dieu, ça va. Où c'est que t'as été danser samedi? À la salle Wagram? Oh, moi, j'y vais plus. Oh non, c'est ton snob. Et ta sœur? Elle est malade? Oh, ben, tant mieux. Elle est aux agences sociales? Eh ben, comme ça, elle pourra aller danser toute la semaine. Mais dis donc, pourquoi tu m'as appelé? C'est pas moi qui dis. Oh, mais t'es folle, c'est toi qui. Ah, oh, peut-être bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez, oulala? Le 22 à Agnès. Alors, tu me passeras le 22 à Agnès, hein? Au revoir, chérie, au revoir. Je t'envoie, moi, ça sert à voir. Merci, madame. Ça va pas être tellement lent. J'étais avec mon vélo, là, j'ai crevé, comme j'étais pressé, j'ai dit, tiens, je vais donner un coup de fil. Ça va m'avancer. Non, excusez-moi, monsieur. Je ne sais pas quelle excuse pour vous, monsieur. C'est vrai, excusez-moi de l'avoir bousculé une fois. Mademoiselle, j'aimerais avoir une fois Liège, monsieur Van der Broek. Van der Broek. Monsieur Van der Broek. Van der Broek. 75. Van der Broek. 75. Comment est-ce que vous dites? 75. 75. Combien que c'est ça, 75? C'est 95 moins 20. J'aimerais avoir le téléphone de monsieur Van der Broek. De Van der Broek, 75 boulevard. Me ferait quelque chose. Impossible de me souvenir d'un truc. Je ne pourtant pas carousel. Je sais qu'il est charcutier. Pensez-vous que c'est impossible d'avoir en connaissant sa profession? On va voir ça. Allô? Allô? Passez-moi Liège. Belgium. Le Liège, dedans, il faudra un vendeur. Comment il est votre vendeur? Il est broc. Qu'il est charcutier, c'est pas sûr, ma femme, pas. Alors tu me le passes si tu l'as, hein? D'accord. Oui, t'as regardé les charcutiers, puis ça y est, c'est déjà. Liège, cabine 3. Une chasse, hein? Et mon vraiment dernière. C'est celui-là, ouais. Pas l'enfant. Please. Pour San Francisco, 6307X7. Allô? Cabine radiophonique, oui? Pour San Francisco, en Pennsylvanie. Combien que vous m'avez dit? 6307. C'est sacré. 6307X7 à San Francisco. Yes, thank you very much. San Francisco, cabine 7. Et mon amière. C'est vrai, j'ai demandé le 22 amière, pas tellement loin, c'est à 2 km 10. Alors si vous aviez. Excusez-moi, ça. Bitte. Excusez-moi. Fräulein? Bitte, sprechen Sie Deutsch? Ja. So. Für Berlin. Erkaufungsstraße 2, Alexanderplatz. Sprechen Sie? Ja. So, wie? Ja. Hallo? Passez-moi Berlin. Hallo, Berlin? Hier, Groß Paris. Ja, so. Bitte. 2, Alexanderplatz. Zwei Alexanderplatz. Karl von Straße. Ja. So. Danke. So. Berlin. Kabine 5.

sonné nos derniers baisers sur la plage. Les vagues dessinaient de jolis reflets sur ton visage. La nuit bleue, ce sera notre nuit. Aujourd'hui, il suffit d'être deux. Tant de fois, j'ai rêvé cet instant. Les amants, ce soir, c'est toi et moi. La nuit bleue, ce sera notre nuit. Aujourd'hui, veux-tu vivre avec moi? Le sable est doux et nous voici allongés. La nuit de notre premier rendez-vous. Le sable est doux. Vivons jusqu'au petit jour. Ce secret toujours plus fou. Et la nuit. chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2. 96.2. Voilà un petit goût d'accordéon pour vous, tout simplement pour dimanche, mais au cours de l'émission, il y en aura d'autres morceaux. Voici donc, eh bien, je vous laisse avec le portugais et on se retrouve juste après. Je suis tombée amoureuse d'une île au mille visages, une terre sauvage et pieuse où l'on se côtoie à tout âge. Elle est terre de mes racines, elle a bercé mes parents. Ma terre, toi ma divine, toi ma belle que j'aime tant. Cante, cante, mia bonita, le vent emporte tes chants. Cante, cante, mia illa, jusqu'au pied de l'océan. Na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês, dias. O padre deu duas e ela queria três. As Ave Marias, o padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria ter. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas. Voilà, après les chansons portugaises, et bien voici donc, et bien, Patachou, le titre Les Voyous. Les voyous les mains bien trop blanches, c'est pas eux qui casseraient des cailloux. Ils marchent en s'appuyant sur les hanches, avec de la mollesse dans les genoux. Laissez passer les voyous, là les grands voyous. Des cartes postales où on voit des dames peu habillées, ou bien du côté de la place Pigalle, ils jouent le grand calme énervé. Laissez passer les voyous, là les grands voyous. Ils sont bien souvent d'humeur mochante, faut pas leur écraser les doigts de pied. Surtout si vous faites 1m50 et 40 kilos tout habillés. Laissez passer les voyous, là les grands voyous. Parfois en période électorale, ils se transforment tous en écoliers pour aller à l'école communale, voter plusieurs fois sans réchigner. Les voyous, voilà les grands voyous. Mais tout n'est pas rose dans leur vie. Ils se tuent entre eux au coin des rues. Rien dans la rubrique nécrologie. On lave le trottoir et rien de plus. Les voyous, là les grands voyous. Tiens, on a lavé le trottoir, il s'est passé quelque chose. Coudon là? Oh non, rien. Ou en tout cas, vous savez, rien d'important. Arc-en-ciel. Voici donc qu'elle s'appelle tout simplement Estelle O'Fara et le titre La Rose et la Violette. Voici donc le titre dit publié, et c'est avec Pierre Louki. Dit peuplier sur une rive, dit peuplier, deux amoureux, deux amoureux sur une rive, dit peuplier au-dessus d'eux, deux amoureux sur le qui-vive, dit peuplier dans le ciel bleu, deux amoureux sur une rive, dix peupliers heureux pour eux, dix peupliers sur une rive, cinquante oiseaux dans leurs cheveux, deux amoureux dérive, des mots d'amour tant qu'on en veut, cinquante oiseaux merles et grives, du bleu, du vert, du vert, du bleu, mille chansons sur une rive, dix peupliers, deux amoureux, dix peupliers sur une rive, ciel bleu, ciel gris, ciel gris, ciel bleu, amour s'en vont, amour se suivent, dix peupliers, deux amoureux, deux amoureux sur une rive, s'usant les lèvres, s'embrasser jusqu'à ce que l'amour s'ensuive, deux amoureux, dix peupliers, deux amoureux sur une rive, dix peupliers heureux. Voilà donc, eh bien, bientôt 15h02, et voici donc la deuxième chanson de Georgette Plana, et son titre s'appelle « Où est-il donc ?» Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide, bref, on y part un soir de cafard. Ça fera de plus le ventre vide, qui à New York cherchera un dollar. Au milieu des gosses, des proscrits, des émigrants au cœur meurtri, il dira regrettant Paris. Où est-il donc, mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils mes amis, mes copains? Où sont-ils tous mes petits bals musettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornichon diront? Mais Montmartre semble disparaître, car toujours de saison en saison, des abbesses à la place du tertre ont démoli nos vieilles maisons. Sur les terrains vagues de la butte, de belles banques naîtront bientôt. Où ferez-vous alors vos culbutes, pauvres gosses à Poulevaux? En regrettant le temps jadis, nous dirons songeant à Salis, Montmartre.

jussette. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, valet, équilibré. Maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu les femmes, j'y mène, je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont oublié, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé. J'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Y'en a mes postes propres plus. C'est qui sait, aprimi la porte. Dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Pourquoi tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, il n'en est pas sa propre vue. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Arc-en-ciel. Chocolat sur Arc-en-Ciel. Mademoiselle Swing, et voici Fernandel avec la caissière du Grand Café. V'là longtemps qu'après la soupe du soir, de dessus le banc où je vais m'asseoir, je vois une femme, une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. En fait, femme, je n'y connais pas d'état, mais je me dis, en voyant ses appâts, sûrement que des beautés pareilles, je crois bien qu'il y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dedans la rue on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé. C'est la caissière du Grand Café. Entourée d'un tas de verres à pied, bien tranquille devant son encrier, elle est dans la caisse, la caissière, ça fait qu'on n'en voit que la moitié. Et moi que déjà je l'aime tant, je dis tant mieux qu'on cache le restant, car si je la voyais tout entière, je deviendrais fou complètement. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne, et quand j'ai des sous pour mieux la voir, je rentre prendre un café noir, tout en faisant fondre mon sucre. Pendant une heure, je la reluque, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. C'est curieux, comme les amoureux, on se comprend rien qu'avec les yeux. Quand elle me regarde, je la regarde, ça fait qu'on se regarde tous les deux. Quand elle rit, c'est moi que je souris. Quand je souris, c'est elle qu'elle rit. Oh, si je ne crois pas que ça tarde, je vais voir le paradis. Elle est belle, elle est mignonne. C'est une bien jolie personne. Pour lui parler, depuis longtemps j'attends. Dans son café, il n'y a plus de clients. Alors c'est de pire en pire, on dirait qu'elle les attire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. Ni non plus, j'ai fait un mot d'écrit, j'ai voulu le lui donner aujourd'hui, mais je suis resté la bouche coite, et je ne sais pas ce qu'elle a compris. En voyant mon papier dans la main, elle m'a dit doucement d'un air malin, au fond du couloir, la porte à droite, tout au fond vous trouverez bien. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne, mais les femmes ça n'a pas de raison, quand ça dit oui, ça veut dire non. Oh, si elle veut plus que je l'aime, mais moi je l'aimerai quand même, et je n'oublierai jamais le chignon bien coiffé de la belle caissière du grand café. Voici donc qu'elle s'appelle Lynn Renaud, Lynn Renaud avec le complet gris. Certain dimanche matin, il prit dans son armoire, sans avoir à chercher bien loin, sa vieille veste noire. Mais monsieur le soleil tout à coup se réveille aussitôt. Oh, oh, il se dit aujourd'hui les soucis sont finis, je vais sortir le gris. Qu'il était beau le complet gris que ce jour-là il avait mis, et le temps justement pour lui plaire avait pris sa couleur la plus claire. En le voyant on aurait dit que le printemps chantait pour lui. Qu'il était beau le complet gris que ce jour-là il avait mis. On n'a pas besoin d'aller loin, surtout quand on s'est plaire. Et quand elle apparut soudain, il fit ce qu'il faut faire. Et les voilà partis pour tout l'après-midi aussitôt. Oh, oh, que voulez-vous qu'elle fît devant un complet gris, sinon lui dire oui. Qu'il était beau le complet gris que ce jour-là il avait mis, et le temps justement pour lui plaire avait pris sa couleur la plus claire. En le voyant on aurait dit que le printemps chantait pour lui. Qu'il était beau le complet gris que ce jour-là il avait mis. Nul ne peut prévoir le destin, elle sut tellement lui plaire, qu'il alla dès le lendemain la demander à son père. Mais n'ayant pas d'avis pour la cérémonie aussitôt, oh, oh, elle lui dit: mon chéri, te fais pas de soucis, remets donc le gris. Qu'il était beau le complet gris que ce jour-là il avait mis, et le temps justement pour lui plaire avait pris sa couleur la plus claire. En le voyant on aurait dit que le printemps chantait pour lui. Qu'il était beau le complet gris que ce jour-là il a. Ciel. Voilà tout simplement la grille des programmes pour cette soirée ainsi que pour demain samedi. Voilà donc, eh bien, ce soir, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel pour l'émission Découverte. Juste après, entre 19h jusqu'à 22h, avec l'émission Marika, avec Albino. Et puis demain matin, à partir de 9h jusqu'à midi, le samedi, donc, avec Christine, l'émission Portugal, nous, Corésiens. Et puis, dans l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 18h, avec l'émission de Rose André. Et puis, juste après, entre 18h et 20h, avec Flashback, avec Carla. Et puis ainsi pour le dimanche à partir bien de 8h jusqu'à 10h avec Antonio et Mathieu, avec Cantal Dougallo. Juste après, vous allez retrouver tout simplement avec Le Téléphone Sonne, avec Jérôme, entre 10h jusqu'à 12h30. Et puis juste après, vous allez me retrouver tout simplement avec l'accordéon Musette, avec tout simplement entre 13h30 jusqu'à 16h. Donc on continue bien sûr avec les chansons de souvenirs et je vous laisse avec Charles Trenet, Douce France. À ma mémoire des souvenirs familiers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. je t'ai gardé dans mon cœur. Voici donc Francis Lemarque avec Marjolaine. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Tu m'avais dit, je t'attendrai, je t'avais dit, je reviendrai. J'étais parti encore enfant, suis revenu un autre maintenant. J'étais parti encore enfant, suis revenu un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens près de toi. J'étais parti pour 10 années, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil, et dans ta rue, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Rien n'est pareil, et dans ta rue, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare a disparu dans le brouillard, et avec lui ses compagnons sont repartis en portant la chanson. Et avec lui ses compagnons sont repartis en portant la chanson. C'est Paulette Merval et Marcel Marquez avec Thé pour deux. Plein d'émoi, vous sentant tout à moi. comme plus d'un amant, j'ai rêvé fréquemment d'un bel appartement. Jamais ne suis arrivé à pouvoir le trouver, l'appartement rêvé. Chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle Damia et le titre En maison. À 18 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom en maison. Et malgré que le travail fut rude, j'ai vite pris mes petites habitudes. J'adorais les accordéons, leurs chansons. Sans voir beaucoup le paysage, bientôt je suis parti en voyage. J'ai fait Bordeaux, Marseille, Toulon, en maison. Où qu'on aille, c'est partout du même. Les hommes veulent qu'on leur dise « je t'aime ». Qu'ils soient fauchés ou plein de pognon, brun ou blond, brun ou blond. Il y en a certains qui ont une drôle d'idée. L'un d'entre eux, un soir de bordée, m'a dit « que fais-tu là, voyons, viens, partons ». Oublie un peu ces lieux infâmes, tu seras choyée, tu seras ma femme. Je t'offre mon amour profond, ma maison, sa maison. Comme il avait une voix tendre, je l'ai suivi sans trop comprendre. Et bientôt j'ai eu pour de bon un salon. J'ai eu des bijoux, des toilettes, des tas de jambes faisaient des courbettes. Quand je passais, dressant le front, quel aplomb, quel aplomb. Et puis, une étrange amertume, mon cœur a jeté la brume. Je regrettais mes accordéons, leurs chansons. Je regrettais les heures disparues, tant et si bien que je suis revenue un soir de la belle saison en maison, en maison. Voici donc qui s'appelle John Williams avec la rose tatouée. Dedans sa main blessée, j'ai vu

laisse avec tout simplement avec Tino Rossi, avec le bateau des îles, et puis juste après la trompette. Bateau des amoureux sur la mer tranquille va partir sous le ciel bleu, bien bien loin des villes, t'exiler sur le rivage. Viens, le bateau des îles n'attend plus que nous deux sur l'océan. Un grand bouquet de fleurs, tout frissonnant dans un mirage de couleurs. Il nous attend et c'est dans son nid charmant que simplement je veux cacher notre bonheur. Le bateau des îles, le bateau des amoureux, sur la mer tranquille, va partir sous le ciel bleu, bien, bien loin des villes, t'exiler sur le rivage. Reviens, le bateau des îles, n'attend plus que nous deux. Je vois déjà les grands palmiers penchés sur nous, le toit très bas de notre case de bambou. J'entends déjà sur la plage au sable roux le rythme là d'un vieux banjo berceur et doux. Arc-en-ciel, la radio en couleur, il est tout pile, et bien 16h04. Voici donc la dernière chanson, tout simplement la troisième, de Georgette Plana. Et le titre s'appelle La Chaloupée. Chose. L'on s'est rencontré dans un bal de société. J'étais intimidée et ton col se serrait quand tu es venu m'inviter. Je ne sais plus bien ce que tu m'as dit, mais en tout cas c'était gentil. Pas grand chose, tu m'avais conté une histoire bête. Tu avais un regard si honnête, tu m'as dit des banalités, des petits riens. Tu avais un air emprunté, ça t'allait bien. Pas grand-chose, tu m'as parlé de la pluie et du beau temps, des peu de choses. Et tu m'as dit que t'avais 20 ans. Fallait en profiter que le reste c'était pas grand chose. Et puis on s'est revus, on s'est plu de plus en plus. Tout doucement on s'est dit tu, un jour on achètera des meubles etc. Et puis un gosse pourquoi pas, un moutard ça vous donne des ailes. À soir on trouve la vie plus belle. Pas grand chose, un petit gars qui ressemble à sa mère. Pas grand chose, avec un petit quelque chose de son père. Il aura le nez retroussé, les yeux bleus, ses petits cheveux blonds tout frisés. Raconte ça. C'est pas trop comment, mais ces choses, on les fait sans comprendre à 20 ans. C'est ce qui prouve que l'amour, ça tient presque toujours à peu de choses. Voici donc, eh bien, Jacqueline Delac, avec le titre « Le Chevaux ». trop par le cou. Ils ont confiance en toi, ils ont confiance en nous, les chevaux. Dans ces pays de brume où dorment les maisons, ils s'en vont sous la pluie, chargés de goémons, les chevaux. Comme l'homme attaché, comme l'homme promis, on les voit trébucher sous le poids de la vie. Les chevaux. L'automne les emporte entre ses vignes bleues, quand se ferment les portes, quand s'allument les feux. Ils sont là dans la cour à l'heure des moissons. Les chevaux, ils traversent la vie sans regarder derrière. Sur les tableaux, ils tombent lourdement, les deux pattes dans l'eau. Les chevaux, sans avoir eu le temps de comprendre, à genoux, ils se font torero le dimanche à Cordoue. Les chevaux, ils sont de tous les temps. C'est bientôt la fin, qu'ils sont moins frémissants, qu'ils trottent déjà moins, les chevaux. Un matin de printemps, un matin de courage, ivre de lilas blanc, tu les mènes au village. Les chevaux, et même dans la cour, de tablier, tandis que tu parcours l'ombre de tes souliers, les chevaux. Ils baissent un peu la tête, ils penchent un peu le cou, ils ont confiance en toi, ils ont confiance en nous. Voici donc Georges Chelon avec Père Prodige. Ah, te voilà, toi. Je peux pas bien dire que je te reconnaisse. J'étais vraiment à fleur de jeunesse quand tu nous as laissé tomber. Mais pour le peu que je me rappelle de la tête que tu avais, ça t'aurait plutôt profité, ce petit séjour à l'étranger, ce petit séjour à l'étranger. Mais j'ai changé, moi, sûr tu dois me trouver bien grandi. Je t'ai pas donné beaucoup de soucis, mais cependant faudrait pas croire que j'ai pu pousser sans histoire, que j'ai pu pousser sans histoire. Ah, te voilà, toi. Serait bien temps que tu reviennes. Serait bien temps que tu te souviennes de ce qu'a laissé derrière toi. Derrière toi. celle qui fit feu toute sa tendresse, qui est toujours de l'amour de reste, afin que ton retour de passion ne tombe aussi sur notre front, ne tombe aussi sur notre front. Mais je peux bien le dire, va, toi qui ne m'as même pas donné juste ce qu'il faut tant pour t'aimer. Parfois j'ai eu besoin de toi. Une mère c'est trop doux quelquefois, une mère c'est trop doux quelquefois. Ah te voilà toi, mais ne te prends pas pour le père prodigue. Pour ton retour la table est vide, on n'a pas tué le veau gras, pas de veau gras. Ce serait beaucoup trop facile de revenir d'un pas tranquille dans ce qui n'est plus un chez-toi, dans ce qui n'est plus un chez-toi. Tu peux regarder, va, tu ne verras rien qui t'appartienne, pas un objet qui te retienne. On t'a effacé de nos joies, comme toi tu nous effaces, comme toi tu nous. C'est face à ça. Tu peux fouiller, va, tu ne trouveras rien qui t'appartienne, pas un objet qui te retienne, ni ne te retienne nos bras. Ta place n'est pas sous notre toit, ta place n'est plus sous notre toit. Voici donc Georges Humer avec son titre « J'ai bu ». J'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu, j'ai bu. J'ai dit les mots qui passaient dans mon âme. Mais toi dans ta petite tête femme, t'as pas compris, j'ai déperdu. J'ai bu, et fou. J'ai senti malgré ma tristesse, dans la chaleur de mon ivresse, que tu mentais. J'ai bu, pourtant je t'aimais d'un homme sincère, mais un jour malgré mes prières, tu m'as quitté, n'en parlons plus, alors j'ai bu. Vin, whisky, gin, tous les alcools me sont permis, ce qui me chagrine, si des barmèmes je suis l'ami, des réverbères je suis l'ennemi. Sur le palier, le trou de serrure joue à cache-cache avec ma clé. Ma maison a une drôle de mine, tous les objets font Philippine. J'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu, j'ai bu. J'ai dit les mots qui passaient dans mon âme. Mais toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris, j'ai déperdu. J'ai bu, et sous. J'ai vite oublié des caresses, je me plais bien mieux dans mon ivresse. Et loin de toi, je vois, le trottoir n'est plus assez grand pour moi. En titubant, je crie à pleine voix, les flics sont des petits bras à moi. La la la la, j'ai bu, j'ai bu. La radio joue un Ave Maria. Elle est marrante, cette chanson-là. Les paroles sont d'un auvergnat. J'ai bu, je bois, je suis heureux, et ce qui fait ma joie, jamais à toi. Ah là là là. Et c'est pour ça. Voici France Lise avec son titre Chalala. Simplement Magali Noël avec Pampan, Poireau, Pommes de Terre. Et il en avait assez, des déclarations ressassées, des grands serments intellectuels, des madrigaux rapetassés. Connaissant son passé, lorsqu'il se mit à s'empresser, évitant d'être spirituel, il susurra ses mots sensés. Pampan, Pampan, Pampan, belle Bérangère. Des poireaux, pan pan pan, pan pan pan, et des pommes de terre, pan pan pan, pan pan pan, dont je vous fais cadeau. Elle en avait tout éconduit, qui offrait des diamants de prix. Qu'elle fut séduite en un instant par ce refrain si surprenant. Pan pan pan. Elle s'est lassée de cet amant pas trop sensé et des sornettes solennelles qu'il balançait son sourcilier. Elle allait le chasser, leur bel amour serait cassé, mais se redressant devant elle, il certifia très assuré. Ah, pan pan pan, pan pan pan, si je pars Bérangère, pan pan pan, pan pan pan, je prends les poireaux, pan pan pan, pan pan pan, et les pommes de terre. Pan pan pan, pan pan pan, qui sont sur le fourneau. Très attendrie par sa chanson, elle propose un bon potage. Et tout en parlant mariage, il proclamait à l'unisson. Pan pan pan, pan pan pan, un amour sincère. Pan pan pan, pan pan pan, y'a rien de plus beau. Poire aux pommes de terre, pam pam pam, pam pam pam, pommes de terre poireau, pam pam pam, pam pam pam, poire aux pommes de terre, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam pam pam pam pam, pommes de terre et poireau. Arc-en-ciel. l'avenir avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qu'il y a Fred Addison avec tout simplement les cueillants des noisettes. Le cœur plein de désir, dès laissant sa chambrette, a pris bien du plaisir en cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant des noix, en cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant des noix. Elle croisa Gustave, le garçon fort ému, prit son bel accent grave et son accent aigu, en cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant des noix, en cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant des noix. Il l'a pris par la taille, il l'a senti frémir, et dans ses yeux de canaille, il eut bien du plaisir. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant des noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant des noix. Il l'a pris par la taille, l'a pris par le menton. Elle, dans la bataille, tomba sur le gazon. En cueillant la noisette et la fraise des bois. En cueillant la noisette et en volant des noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois. En cueillant la noisette et en volant des noix. Oh, maudite culbute, jugée du désarroi. Le gredin dans sa chute avait vu son émoi. Oh! En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant des noix. Dans cette pirouette, elle eut le cœur troublé, elle perdit la tête tout en perdant le pied. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant des noix. Sa robe, sa coiffure ne pourront plus servir, belle de l'aventure, gardez le souvenir. Voici qu'il s'appelle André Grazi avec Amusette. c'était donc, eh bien, elle s'appelle Béatrice Moulin avec Jojo de la banlieue. Jojo de ma banlieue, des milliers de fois, tu as vu les fumées bleues de Courbevoie, usines et tas de charbon, vagabonds endormis, les vélos des copains dans le matin, tendre et gris. Jojo de ma banlieue, tu te souviens de tous ces jours heureux déjà lointains. La vieille voiture rouillée, oubliée il y a longtemps, où tu as serré très fort un petit corps. Les amis sont partis, évanouis dans Paris. La Seine a emporté les étés, les baisers. Jojo de ma banlieue, des milliers de fois, tu as pensé aux yeux bleus de ce temps-là. Les chalands sur la Seine n'ont pas de peine, toi non plus. Les mois et les semaines vont et reviennent, tant et plus. Jojo de ma banlieue, tu te souviens de tous ces jours heureux déjà lointain. La vieille voiture rouillée, oubliée il y a longtemps, où tu as serré très fort un petit corps qui t'aimait tant. Je vais avoir le plaisir de vous chanter Le Trou de mon quai, petite chansonnette métropolitaine. Dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver, afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Y'a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai, vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. L'autre jour, je rencontre un vieil ami de province, je lui dis, tu tombes bien mon prince, de Paris je vais te montrer toutes les curiosités. Je voudrais d'abord voir la galerie des machines. Je lui réponds, tu t'imagines qu'à Paris il n'y a que celle-là, j'en ai une plus chouette que ça. Accepte à dîner, je t'en prie, après sans trop nous fatiguer. Je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai, tu pourras sans te déranger voir le quai de ma rue et le trou de mon quai. Ben, la joie n'est qu'un leurre, et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. C'est pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude. Et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon qui sera bouché. Adieu, joie des rêveries nocturnes, adieu, journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurais plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Oh, c'est malheureux, même. Voici donc qui s'appelle Frédéric May, et son titre s'appelle Bonsoir, mes amis. Bonsoir mes amis, il est temps que je m'en aille. Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette et le temps d'un dernier verre. Pour ce jour, cette nuit, sous votre toit, merci pour la place à votre table et le vin dans mon verre. Pour le couvert de plus que vous mettez pour moi, comme si rien au monde n'était plus normal. Bonsoir mes amis, il est temps que je m'en aille. Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette et le temps d'un dernier verre. Pour ces heures passées à bavarder, merci pour votre patience quand nos avis étaient contraires, pour n'avoir pas cherché à savoir d'où je venais, ni pour où je pars, ni quand, ni pourquoi. Bonsoir, mes amis, il est temps que je m'en aille. Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette et le temps d'un dernier verre. Merci pour la bonté qui s'abrite chez vous derrière cette porte que je dois franchir. Peut-être est-ce par elle qu'à travers vos carreaux la lumière semble plus chaude qu'ailleurs. Bonsoir mes amis, il est temps que je m'en aille. Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette et le temps d'un dernier verre. Madame. Voilà, voici donc eh bien Joséphine Baker avec Chiquita Madame et cette chanson qu'on va se quitter. Voilà donc, eh bien, bientôt d'ici une vingtaine de minutes, il sera 17h et à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel pour l'émission Découverte. Voilà donc, eh bien, c'est cette chanson qu'on va se quitter. Donc j'espère que vous avez passé bon après-midi avec beaucoup de chansons différentes. Voilà, on va se retrouver donc eh bien, la semaine prochaine ainsi que pour dimanche avec bien sûr l'accordéon tout simplement. Voilà donc eh bien, je vous dis bonsoir à vous toutes. J'ai quitté madame de la Martinique. Dites-moi, je vous en prie, pourquoi cet air ironique? J'ai quitté madame de la Martinique. Les hommes vous sourient, pourquoi le faire la nique? Les hommes d'ici savent très bien danser, mais beaucoup d'entre eux veulent aussi m'embrasser. Et moi, je préfère à tous les gars d'ici mon Martinique qui m'attend au pays. Oh, Chiquita, madame de la Martinique, ce petit Martinique doit être très sympathique. Chiquita, madame, car il a bon goût, celui qui va passer toute sa vie avec vous.

den já começou. Vem, meu amor, te entregar. Vou te abraçar, quero ficar a noite inteira agarradinha a ti. Vamos beber e nos perder. Ai, eu estou louca, louquinha por ti. A festa é toda a noite, até de madrugada. Dança comigo, pot encontrar. Jo també sé qual la raó per no estar. Sento que tu vines prender meu coração i foi por ti que consegui esta canção. As horas tristes já passaram de momento. Amor existe agora no meu pensamento. E é assim que eu vivo neste nosso mundo. Por uma vida, um amor que é tão profundo. Eu não quero mais trocar de amor. Sou feliz depois de te encontrar. Nunca mais me deixes, por favor. Pois sem ti não sou capaz de amar. Eu não quero mais trocar de amor. Sou feliz depois de te encontrar. Nunca mais me deixes, por favor. Pois sem ti não sou capaz de amar. Dá cá, dá cá, dá cá. E não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cá, dá cá, dá cá. Tu não sejas marota. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Quando eu te conheci, fiquei preso ao teu olhar. Eu não sei o que senti. Só sei que gostei de ti. Contigo quero ficar. Como foi bom conhecer-te. Pois sentia-me perdido. Não posso mais esquecer. Contigo quero viver. Para ficar sempre contigo. Dá cá, dá cá, dá cá. E não digas que não. Eu sei que vais gostar. Contigo na tua mão. Dá cá, dá cá, dá cá. Tu não sejas barota. Só quero dar um beijo no canto da tua boca. Aquela canção, sim, uma saudade dentro de ver. Oh, lembro do dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Aquela nossa canção, eu começo a chorar. Não sei o que faço da vida, o que faço de mim. Não posso aceitar, meu amor, que chegamos ao fim. Quando eu ouço aquela canção, uma saudade de te ver. Oh, lembro o dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le